Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 12e instruction, pour la même fête, Assomption de Marie le 15 août. De même que les enfants d'Israël, ravis et hors d'eux-mêmes en voyant pour la première fois la manne tombée du ciel, se demandèrent les uns aux autres, avec une surprise mêlée d'admiration, « Qu'est-ce que cela ?» Exode 16, 15. Ainsi quand les heureux habitants de la cour céleste virent, pour la première fois, s'élever des régions de ce bas monde cette auguste femme, l'objet des louanges de tous les siècles, ils durent sans doute s'écrier, « Quelle est celle que nous voyons en ce jour ?» C'est en effet ce que l'Esprit Saint lui-même nous a manifesté clairement dans les sacrés cantiques, par ses paroles qui expriment l'étonnement de la cour céleste. Quelle est celle qui s'élève de l'affreux désert de la terre et vient à nous si riche, si ornée des grâces et des faveurs les plus singulières? Cantique 8, 5. La terre, ces terres, que Dieu a maudite, serait-elle capable de porter une créature si belle, si éclatante, que non seulement elle nous ravit d'admiration mais surpasse même infiniment les perfections que Dieu a mises en nous? Quelle est donc cette créature? Ô Esprit céleste, voulez-vous le savoir? Voulez-vous dissiper votre incertitude et mettre fin à votre étonnement? Vous ne le pouvez qu'en vous jetant dans un étonnement incomparablement plus grand. Vous souvenez-vous de la surprise que vous fit éclater au jour de l'ascension de Jésus-Christ? Quelle est, vous êtes-vous aussi écrié alors? Quel est celui qui vient d'Édom? Isaïe 63, 1. Or, quelle réponse avez-vous entendue? Quel pourrait être celui qui s'élève sinon celui-là même qui est descendu? Éphésiens 4, 10. Ne vous étonnez pas de le voir monter si glorieux, il est bien juste et bien raisonnable que celui qui s'est humilié jusqu'à un tel abaissement, soit maintenant exalté, et que la sentence de l'Esprit Saint, proférée si longtemps d'avance, se vérifie, quiconque aura été humilié sera ensuite glorifié. Job 22, 29. Il est juste et raisonnable que Dieu exalte celui qui s'est abaissé par amour pour lui, et qu'il l'exalte en proportion de l'abaissement auquel il s'est réduit pour la gloire de Dieu. Il s'est humilié, anéanti, c'est pourquoi le Père Céleste a voulu l'exalter, et lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 81, 9. Je vous adresse la même réponse pour dissiper votre étonnement à la vue de la gloire éclatante à laquelle Marie est élevée. C'est par un juste retour qu'elle est exaltée autant qu'elle s'est humiliée d'abord. Il est juste en effet qu'elle soit placée au-dessus de tous les trônes, celle qui a daigné s'abaisser au-dessous de toutes les créatures, Saint Bernard. Voilà, mon cher frère, une voie qui s'ouvre sous nos yeux par laquelle nous pourrons découvrir, autant qu'il le sera jamais permis dans ce lieu de pèlerinage, à quel degré de gloire est élevée dans le ciel Marie, notre tendre et charitable mère. Voyez jusqu'où elle s'est abaissée, combien son humilité fut profonde, et de là vous pourrez déduire en toute sûreté combien elle est maintenant glorifiée. Arrêtons-nous donc aujourd'hui à sonder un peu l'humilité profonde de Marie, afin de reconnaître la sublimité de son trône et plus encore ce que nous devons faire nous-mêmes pour être un jour rendus participants de sa gloire céleste. Je commence. La notion exacte de la vraie humilité chrétienne servira de base fondamentale à ce discours. Cette belle vertu, complètement inconnue à l'orgueil philosophique des gentils, ne consiste point dans une espèce de cécité intellectuelle, ni d'aveuglement coupable, qui nous ferait méconnaître les dons et les grâces que nous avons reçus de Dieu. Cet aveuglement, bien loin d'être une vertu, est un vice abominable, réprouvé par le Saint-Esprit. En ces termes, l'homme, que Dieu a élevé à une si haute dignité, n'a point voulu réfléchir au don qu'il a reçu de la divine majesté. Il s'est comparé aux bêtes de somme, et s'est rendu semblable à elles par ses mœurs dissolues, ne se souciant point de la ressemblance divine qu'il porte gravée dans tout son être. Psaume 48, 15. Ce reproche s'adresse à tous ceux qu'on nomme matérialistes, aussi bien qu'aux jansénistes, lesquels s'efforcent de nous ravir le plus beau présent que Dieu nous ait fait, ou du moins de nous empêcher de le reconnaître. Être humble signifie donc autre chose qu'être aveugle et insensé. Nous avons reçu, dit sagement l'apôtre, non l'esprit du monde, qui n'est que mensonge et illusion, mais l'esprit de Dieu, afin de discerner les dons que nous tenons de la libéralité divine, 1 Corinthiens 2, 12, que les jansénistes, avec leurs alliés, le sachent donc, et qu'ils ne viennent plus se donner pour les apôtres de l'humilité chrétienne, tandis qu'ils ne sont que les vains proclamateurs de la folie la plus aveugle et la plus insensée. L'humilité ne consiste pas davantage dans une certaine défiance qui nous rend paresseux pour toute espèce de bonnes œuvres, et incapables de grandes choses. La pusillanimité est un vice diamétralement opposé à la vraie humilité. Cette belle vertu, loin de nous énerver, nous inspire au contraire plus de force et d'ardeur pour toutes les bonnes œuvres, parce que, tout en nous faisant découvrir notre faiblesse et notre insuffisance personnelle, elle nous montre la puissance surabondante qui se trouve en Dieu. Nous sommes incapables, dit le grand apôtre, je ne dirai pas de faire, mais même de penser quelque chose de bon par nous-mêmes, ne nous décourageons pas toutefois, car nous savons que Dieu est notre ressource. 2 Corinthiens 3, 5. Je ne puis rien de moi-même, pas même invoquer, comme il faut, le nom de Jésus, mais je puis tout en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ils sont donc dans l'erreur ces cœurs mous et sans énergie qui ne font rien, et voudraient par là se persuader qu'ils sont humbles. Ah, s'ils avaient un grain d'humilité, on trouverait en eux plus de générosité. La vraie humilité et la générosité sont des sœurs inséparables, de même que la présomption et la pusillanimité sont deux malheureuses et inséparables compagnes. En quoi consiste donc l'humilité? Je le dirai en peu de mots, elle consiste premièrement dans une exacte et sincère vérité, qui nous découvre, autant que possible, ce qu'est Dieu et ce que nous sommes, quels sont les dons de Dieu et quelles sont nos imperfections. Elle nous porte naturellement à attribuer à chacun ce qui lui appartient aussi, bien loin que l'homme vraiment humble se glorifie jamais en lui-même, il met toute sa gloire en Dieu, qu'il sait être la source de tout bien, d'où procède tout ce qui peut être un sujet de gloire. Voilà en abrégé la notion exacte de la vraie humilité. Cela étant, je dis que jamais parmi les pures créatures il n'y en eut une seule qui égala Marie dans cette vertu, comme le dit avec raison le bienheureux abbé Guéric, non est inventa similis virgini gratia humilitatis, sermon 3 de l'Assomption numéro 4 ad Calcem, en bas, opus Saint Bernard. Sans doute, elle ne reconnaissait pas en elle ce qui ne s'y trouvait pas et ne s'y était jamais trouvé, je veux dire le péché originel ou actuel, mais elle savait parfaitement ce qui s'y trouvait, et reconnaissait en même temps que tout venait de Dieu, et qu'à lui seul en était due toute la gloire. Félicitée par Élisabeth et appelée bienheureuse entre toutes les femmes, elle n'eut garde de nier qu'elle le fût, Elle le confirma au contraire en ajoutant qu'elle serait proclamée bienheureuse par toutes les générations, non qu'elle possédât quelque mérite qui ne vînt du Très-Haut, mais précisément à cause des prérogatives dont le Très-Haut l'avait favorisée, que pour cette raison elle devait en rapporter toute la gloire à Dieu, et qu'elle se réjouissait en songeant que son âme servait admirablement à exalter et à glorifier la magnificence divine, le Seigneur ayant daigné regarder si favorablement sa bassesse. Et remarquez ceci, Marie confessa bien sa bassesse, mais elle ne se reconnut souillée d'aucune faute, soit originelle, soit actuelle, ce qu'elle n'aurait assurément pas négligé de faire, si la vérité le lui eût permis, vu que cet aveu aurait servi à faire éclater davantage la condescendance et la bonté divine. C'est là, à mon avis, un argument bien fort pour nous persuader que le péché n'eut jamais le plus léger empire sur la très sainte Vierge. Elle connaissait parfaitement, non seulement la pureté et l'innocence de son âme, mais encore la dignité extraordinaire de Mère de Dieu, à laquelle elle avait été gratuitement élevée, mais qu'en résulta-t-il? Laissa-t-elle pour cela des trembles, ou au moins son humilité en souffrit-elle quelque atteinte? Tout au contraire, je ne crains pas d'avancer qu'elle en reçut un immense accroissement. Ce n'est pas un grand prodige d'être humble au sein des mépris et de l'ignominie. Savez-vous ce qui est rare et étonnant? C'est de trouver une élévation sans exemple jointe à une humilité sans pareille. C'est une grande et rare vertu qu'une humilité profonde entourée d'honneur et de gloire. Saint Bernard. Il ne manque pas de ces gens humbles ou qui feignent de l'être, aussi longtemps que vous les tenez dans l'abjection, mais à peine se voient-ils élevés, qu'à l'instant ils paraissent qu'ils furent toujours, des hommes superbes et orgueilleux, ou du moins ils le deviennent bientôt. C'est l'Esprit Saint qui nous en avertit, tel a paru un insensé, dès qu'il a été élevé à un rang sublime, Proverbe 30-32. Mais voyons si la même chose est arrivée à Marie. Elle entendit l'archange Gabriel qui la saluait et la proclamait mère du Messie tant désirée. Se glorifia-t-elle de cet avantage? Elle se troubla au contraire, et pourquoi? À cause de la vue de l'ange? Cela peut être, et c'est le sentiment du docteur Saint Ambroise. Mais d'un autre côté, j'aime à faire remarquer que l'évangéliste ne dit pas qu'elle se soit troublée à l'aspect de l'ange, mais bien aux paroles de l'ange, confère Luc 1, 29. Ce furent donc ses paroles et non sa présence qui la jetèrent dans le trouble. Mais pourquoi ces paroles la troublèrent-elles? Si nous en croyons Origène, ce fut à cause du titre éminent et inaccoutumé qu'elles lui attribuèrent sa profonde humilité fit qu'elle se troubla en entendant faire son éloge, de même que nous autres, orgueilleux, nous nous troublons quand on nous blâme. Elle ne refusa pas, il est vrai, l'honneur sublime d'être mère de Dieu, dès qu'elle fut assurée que telle était la volonté divine. Mais remarquez avec quelle modestie elle se comporta en l'acceptant. « Voici la servante du Seigneur, répondit-elle, qu'il me soit fait selon votre parole, Luc 5, 38. » Elle ne dit pas, « Voici l'épouse du Saint-Esprit, voici la mère future du Verbe éternel, voici la créature privilégiée de l'adorable Trinité. » Ce sont là autant de choses qu'elle pouvait dire en toute vérité, elle ne le fait pas cependant, parce qu'un tel langage répugnait trop vivement à son cœur si humble et si modeste. Elle préféra employer la qualification la plus vile, pourvu qu'elle ne blessât point la réalité, « Voici la servante du Seigneur, » dit-elle, elle ne se dit point une pauvre pécheresse, parce qu'elle ne le pouvait avec vérité, et c'est une nouvelle preuve de sa pureté immaculée. Je vous le demande, Eût-elle voulu laisser en arrière ce titre abject, si la vraie humilité, qui est la vérité, comme nous l'avons dit, ne l'eût empêché d'en faire usage? Elle n'ajouta pas, oui, que je sois la mère de Dieu, je consens à concevoir le Verbe éternel, elle se borne à dire, qu'il me soit fait selon ce que vous m'avez annoncé. Il en eût trop coûté à son humilité de dire ce qu'elle pouvait néanmoins dire en toute vérité. Après avoir reçu ce consentement, le Verbe éternel descendit dans son chaste sein, et à l'instant elle devint mère du Fils de Dieu fait homme. Voyez maintenant si elle s'élève au sujet d'un tel honneur. Mon Dieu, contemplez la sortant de sa maison, pour s'en aller, où, chez Élisabeth, et pourquoi, pour la servir durant sa grossesse. À qui ne se sent saisi d'admiration par des traits si touchants d'une humilité d'autant plus profonde qu'elle était élevée à une dignité plus haute? Jésus naît, et la première elle le serre contre son sein, et l'embrasse comme son fils le créateur de l'univers. En concevra-t-elle quelque sentiment d'élévation? Je vous le demande à vous-même, voyez-la plutôt se présentant au temple comme une femme ordinaire et impure, dans la condition la plus humiliante aussi n'offrit-elle pas un agneau, l'offrande accoutumée des riches et des personnes aisées. Elle se borna à offrir deux pigeons, à la manière des mères les plus pauvres. Et ne croyez pas que ce fut par indigence, non, sans doute, l'or qui lui avait été apporté par les mages était plus que suffisant pour lui procurer des troupeaux entiers, ce fut donc par amour de la sainte humilité. Suivez Jésus parcourant la Judée, prêchant, et opérant les prodiges les plus éclatants, voyez le reçu par les acclamations de la multitude, écoutez l'hosanna triomphant, et les cris de joie qui retentissent sur son passage. Marie prend-elle quelque part à ces applaudissements? Je l'ignore, ce que je sais de certain, c'est qu'il n'est jamais fait mention d'elle toutes les fois qu'il s'agit des honneurs rendus à Jésus, mais bien lorsqu'il s'agit du dernier des opprobres. La mère de Jésus se tenait debout au pied de sa croix, Jean 19, 25. Je ne la vois point sur le Tabor, je la vois sur le calvaire. Ah, Marie paraît sur le calvaire, et non sur le Tabor, parce que le calvaire, et non pas le Tabor, était le lieu qui convenait le mieux au penchant qui la portait à se montrer toujours la plus humble et la plus abjecte de toutes les femmes. Jésus ressuscite glorieux et triomphant, il apparaît rayonnant de joie et laisse voir un rayon de la gloire qui lui était due, les apôtres se trouvaient réunis, mais Marie y était elle aussi, cela peut être, mais le fait que l'évangéliste n'en dit rien. Saint Luc ne recommence à en faire mention que lorsqu'il parle de l'espèce de désolation où était plongée l'Église naissante par suite de l'ascension de Jésus-Christ, enlevée au regard des hommes. Là j'apprends que Marie s'y trouvait, mais quoi? Elle est nommée en dernier lieu, les apôtres étaient réunis pour prier avec les femmes et Marie, Actes des apôtres 1, 14. Marie la dernière, non seulement parmi les hommes, mais même parmi les femmes. Mais, ô saint évangéliste, qui vous dit d'intervertir l'ordre de la sorte, pourquoi ne point placer Marie en premier lieu? Bien plus, pourquoi n'avez-vous pas dressé un trône exprès pour celle de toutes les créatures qui est la plus digne de distinction? Mais que voulez-vous? C'est ainsi qu'il me semble entendre le saint historien me répondre. Que voulez-vous que je fasse? Puis-je m'opposer à l'inclination de la mère de mon divin maître? Comment la placerai-je au premier rang si elle veut constamment occuper le dernier et le plus bas? Aurais-je le cœur d'honorer celle qui ne déteste rien tant que les honneurs? Il a donc fallu me conformer à l'humble disposition du cœur de Marie, qui la porte à vouloir toujours se tenir la dernière de toutes. Ô abîme impénétrable d'humilité, Marie est la plus honorée de toutes les créatures, et cependant elle aime à se tenir au dernier rang. Ô honte pour notre orgueil, toujours avide de distinction et enflé de prétention. Voyez-vous maintenant, mon cher frère, quelle fut l'humilité de Marie? Mais nous n'avons pas achevé de la méditer, j'aperçois un trait dont la singularité inouïe me renverse de surprise. Marie est enceinte, et elle se trouve enceinte du Verbe, elle se trouve mère de la manière la plus admirable, sans cesser d'être la plus pure des vierges. Joseph, son chaste époux, s'aperçoit du fruit, mais il ne connaît pas la plante qui l'a produit. Il voit que la fleur a germé, mais il ignore la main qui a jeté la semence dans le jardin fécond qui lui appartient. Ô Dieu, que serait-ce? Mais cette épouse est la plus sainte fille. À l'effet est certain, la cause est incertaine. Hélas, dans quelles angoisses je me trouve! Le sommeil s'éloigne de mes paupières, je ne sais qu'en penser. La loi est claire, faudra-t-il me séparer d'une épouse chérie? Ah pourquoi l'ai-je jamais connue, s'il faut l'abandonner sitôt? Que me sert la consolation que j'ai goûtée en ayant en partage une épouse aussi sainte, si je ne devais la posséder que si peu de temps? Ô mon Dieu, plus le don que vous m'avez fait précieux, plus aussi est douloureuse la peine de m'en voir privée. Tels étaient les gémissements et les soupirs continuels de Joseph. Marie s'aperçut du trouble inaccoutumé de son chaste et cher époux. Ah, quelle épine pour son cœur! Je le laisse à penser à ces épouses vertueuses qui ont eu le malheur de se trouver dans des angoisses pareilles. Mais, ô ma tendre mère, permettez que je vous parle avec franchise. Si vous êtes aussi bien que Joseph en proie à une telle affliction, c'est votre faute, en un instant vous pourriez vous en tirer, vous et votre époux. Veuillez seulement révéler à Joseph le profond mystère que Dieu a opéré dans votre sein virginal. Craindriez-vous par hasard de n'être pas cru? Oh, ne craignez rien, Joseph est un homme juste, et il vit de foi. Par conséquent, il se règle sur les maximes de cette foi qui lui ordonne d'espérer le libérateur promis, lequel, selon la prophétie d'Isaïe, doit naître précisément d'une vierge. Il a de vous la plus haute idée, il ne tardera point d'ajouter foi à vos paroles. Ne vous laissez pas non plus arrêter par la vaine crainte d'offenser Dieu. En prenant la défense de votre innocence, je vois en effet que les plus grands saints, tels qu'un Samuel, un Job, une Judith, firent, sans la moindre offense de Dieu, les plus complètes apologies de leur irréprochable conduite. Ne craignez pas de vous opposer à l'Esprit Saint votre époux, car il nous exhorte lui-même à prendre soin de notre réputation. Qu'est-ce donc qui vous empêche de parler, et vous astreint à un si rigoureux silence? Ah mon cher frère, vous ignorez peut-être quelle est la cause du silence de Marie, il vous en coûtera peu de le savoir, ce n'est autre chose que sa profonde humilité. Ne voyez-vous pas qu'elle ne pouvait révéler le mystère sans déclarer en même temps qu'elle était la mère du Verbe divin incarné? Et cet honneur extraordinaire, cette prérogative incomparable est trop sublime pour qu'un cœur aussi humble puisse la manifester. Elle préfère souffrir sa propre confusion plutôt que de faire connaître sa dignité à qui que ce soit. Tel fut aussi, je crois, le motif pour lequel la Sainte Vierge ne fut pas employée à la prédication de l'Évangile, Elle aurait dû dire que ce Jésus qu'elle annonçait comme devant être reconnu pour vrai Dieu était néanmoins son véritable fils. Et cet aveu eût trop coûté à sa profonde humilité, aussi Dieu, pour ne point lui faire violence, l'en dispensa, et se contenta de révéler par son ministère aux apôtres en particulier les plus profonds mystères. Voilà, mon cher frère, quelle fut l'humilité de la Vierge Mère, humilité sans exemple, humilité sans pareil, humilité telle qu'on n'en trouvera jamais de plus prodigieuse, hormis celle qui fut pratiquée par son divin Fils. Non, personne après Jésus ne fut plus humble que Marie, et c'est pour cela que nous devons conclure que personne, après Jésus, ne fut promu à une gloire égale à celle dont la très sainte Vierge Marie fut couronnée en ce jour. C'est avec raison qu'elle fut élevée au plus haut et au plus sublime honneur, parce que, bien qu'étant la première en tout, elle choisissait toujours de tenir en tout le dernier rang. Si donc vous voulez connaître l'élévation du trône où elle est assise, sondez la profondeur de la base sur laquelle il s'élève. Quel vaste champ, ô dévots serviteurs de Marie, pour raisonner, comme peuvent le faire de misérables mortels, sur la gloire immense à laquelle Marie est élevée. Mais d'un autre côté, quel plus puissant motif de nous confondre à la vue de notre orgueil. Hélas, que nous sommes différents de ce que fut Marie sur la terre, elle si humble, et nous si orgueilleux, elle cherche constamment à cacher ses mérites, constamment elle cherche à révéler le néant d'où elle fut tirée, et tout ce qui peut la faire paraître vile et abjecte, nous au contraire nous ne cherchons rien tant qu'à étaler, à faire valoir jusqu'au moindre mérite que nous avons, et à voiler autant que possible ce qui pourrait en soit peu diminuer l'estime qu'on nous porte, et humilier notre amour propre. Notre conduite est donc diamétralement opposée à la sienne, et pouvons-nous après cela espérer atteindre un jour à l'heureux terme où elle est parvenue? Comment y parviendrons-nous en suivant une route tout opposée à celle qu'elle a suivie? À nous l'invoquons, nous avons recours à son intercession, mais à quoi bon, dit avec raison saint Augustin, si après tout nous ne nous mettons pas en peine d'imiter les exemples d'humilité qu'elle nous a laissés, confère saint Augustin. Elle ne pourra nous reconnaître pour ses enfants en nous voyant si différents d'elle-même. Nous ne pouvons espérer parvenir à la gloire de la patrie, si nous refusons l'humiliation de l'exil. Ne devrions-nous pas craindre plutôt, à notre honte extrême, de nous voir réprouvés de Dieu pour avoir voulu nous élever avec tant d'ambition? Oui, sans doute comme il est certain que quiconque se sera humilié, sera glorifié. Ainsi il n'est pas moins vrai que tous ceux qui se seront élevés injustement, seront un jour abaissés. Luc 14, 11. Ma tendre mère, que puis-je dire? Que puis-je faire? Je ne sais que dire sinon que je suis un orgueilleux, tout enflé de présomption et d'arrogance, privé entièrement de l'esprit de Jésus-Christ, différent en tout de vous, qui pourtant êtes ma mère. Mais que ferais-je? Dois-je perdre courage et renoncer à tout espoir de partager un jour votre gloire? Non, je ne le ferai pas. Car c'est là le dernier abîme où l'orgueil puisse précipiter quelqu'un, je n'en ai déjà que trop, je n'irai donc pas l'accroître encore en me livrant au désespoir. Et que faire cependant? Je le sais, le voici, j'ai à m'humilier, et à m'humilier sans mesure, y étant obligé par tant de motifs, dont le plus fort peut-être est mon orgueil. J'ai à m'humilier, et pourtant je ne saurais affronter les humiliations. Que faire donc? Je m'humilierai de l'impuissance où je me trouve de m'humilier, et en voyant que je ne suis pas seulement capable d'en venir là, J'ai recours à vous, afin que vous m'obteniez une grâce assez puissante pour me mettre en état de faire ce que je ne puis obtenir de moi-même. Ô très humble Marie, daignez, je vous en prie, par la profonde humilité qui vous a mérité une gloire si extraordinaire, m'obtenir cette humilité qui me rendra digne de participer un jour à la gloire éclatante et sublime dont vous jouissez. Amen. Markhend Anarchivorg 2023, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.